Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial dédié à Johnny Hallyday pour le concept de la route du rock. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Frédéric Quinonero, écrivain, romancier et surtout biographe de nombreux artistes. Sheila, Sylvie Vartan, Edith Piaf, Sophie Marceau, Goldman, Bruel, etc. Et bien sûr, Johnny Hallyday. Ce n'est pas moins de 5 livres qu'il a consacrés à notre idole. L'éphéméride en 2006, Johnny Live en 2012, La vie en rock en 2014, Johnny Immortel en 2017 et Femme et Influence en 2020. Bonjour Hook, bonjour JP, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis ravi de parler avec vous d'un album particulier, emblématique car considéré comme l'un des sommets artistiques de la carrière de Johnny, et aussi un album qui est cher à mon cœur car il a été celui qui me l'a fait découvrir, qui m'a fait découvrir Johnny. Donc, Rivière, ouvre ton lit, sorti le 6 mai 1969. Mon histoire avec Johnny commence précisément cette année-là. J'avais 6 ans, une histoire de fan qui ressemble à des milliers d'autres. Je vois le show se mettre à la télévision. Je tombe en admiration devant ce chanteur si charismatique. Le lendemain ou la semaine suivante, mes parents m'achètent le single de Que je t'aime. Puis pour Noël, le fameux album que j'appelle l'album au bandeau. Pour info, le 45 tours SP Rivière ouvre ton lit et je te veux sort le 10 mars 1969. Préparez-vous à un voyage au cœur du rock, du blues et d'une période où Johnny réinvente son art. En effet, après la période Flower Power de 67 et 68 et des reprises de soul music et de rhythm and blues, Johnny revient à un rock plus axé sur les guitares, plus underground dans le style. On passe en fait du rhythm and blues au blues, comme il dit. Et il s'entoure d'une nouvelle équipe de musiciens et d'auteurs-compositeurs qui vont rester un petit moment dans ses bagages, notamment Tommy Brown et Nicky Jones. Ces deux musiciens anglais ont été découverts par Eddie Vartan, le frère de Sylvie. Ils ont d'abord intégré l'orchestre de Sylvie Vartan avant de suivre Johnny dès la fin de son service militaire. Leur inspiration sur cet album atteint les sommets. Alors pour info, Nicky Jones sera le créateur d'un groupe de rock qui va devenir très très célèbre dans l'avenir. Il le crée ce groupe de rock en 1976 sous le nom de Foreigner, qui est un groupe qui a eu beaucoup de succès, notamment un grand tube dans les années 85, il me semble, je parle très bien anglais, I want to know what love is, qui a été vraiment aux États-Unis un super tube. Pour revenir à l'album, il est enregistré en décembre 68 et janvier 69 à Londres, au studio Olympic Sound et à Paris, au studio des Dames et Polydor. Savez-vous qu'à l'origine, Johnny rêvait pour cet album de Jeff Beck et Eric Clapton, les deux guitaristes surdoués des Yardbirds. Dans les musiciens invités, il y avait Steve Marriott et Ronnie Lane du groupe Mulfey et un grand guitariste. Peter Frampton, qui mettra plus tard dans les bacs un super album qui aura un super succès qui s'appelle Show Me The Way, qui sera membre de Humble Pie et jouera en 73 sur Insolitude aussi. Donc, il a suivi Johnny de nombreuses années. On le retrouve aussi sur Rock'n'Roll Attitude. La légende dit que le jeune Peter Frampton, 19 ans à l'époque, a rencontré Steve Marriott des Small Faces lors d'une audition pour Johnny Hallyday. Le batteur du groupe, Kenny Jones, a révélé que Frampton considérait Johnny comme l'un de ses héros. Justement, Fred, les Small Faces jouent sur 3 titres de l'album, qui sont Amen, Réclamation et Regarde pour moi. Alors côté parolier, ça se partage entre Gilles Thibault, Ralph Burnett et Long Christ pour les textes. L'album n'a pas de titre. La pochette montre un portrait en plan serré de Johnny, signé Tony Frank, un Johnny barbu avec les cheveux un peu plus longs et plus blonds, un bandeau noir sur le front, la moitié du visage éclairé. C'est pourquoi on l'appellera souvent l'album au bandeau. Ou bien on le désignera par le titre de la chanson d'ouverture, Rivière ouvre ton lit, qui impose d'emblée l'ambiance. L'album est vraiment un album charnière pour Johnny, qui marque un changement de décennie et de style vraiment différent. En effet, c'est sans doute le disque le plus honorable de la carrière de Johnny Hallyday. Aux yeux de ceux qui, férus de rock'n'roll, ne le considèrent pas volontiers comme un des leurs. Rook, peux-tu nous parler des versions existantes et des singles extraits de cet album ? Avec plaisir, Fred. Cet album sort dans une première édition limitée à 25 000 exemplaires numérotés, dans une pochette ouvrante avec un rabat intérieur de 10 cm présentant les titres de l'album. Une édition numérotée sort simultanément et les éditions suivantes sortent avec un rabat de 6,5 cm avec sur certaines éditions les titres anglais des auteurs originaux mentionnés après les titres français. Il existe une vingtaine d'éditions en vinyle avec trois références différentes. Et plus tard, les éditions CD, là, c'est au moins cinq références différentes. Cet album qui sort au printemps 69 va être court-circuité en été avec le single « Que je t'aime » d'inspiration plus variétée, plus grand public. Et c'est ce titre qui va tout emporter. « Que je t'aime », d'abord sorti en single, fera l'objet ensuite d'un EP, le dernier EP de Johnny, qui comprend en outre « Je suis né dans la rue » et « Viens ». Cet album paraît faire partie, dans l'esprit de ses admirateurs, dont je fais partie, et c'est comme ça que je le pense, d'une trilogie spécifique avec Vie en 1970 et Flagrant délit en 1971. À votre avis, moi cet album, il est dans mon top 5, c'est certain. Moi il est dans mon top 50, c'est certain. Personnellement, c'est un album cher à mon cœur, comme je l'ai dit, car c'est mon premier de Johnny. Mais lorsqu'on me l'offre, je ne comprends pas très bien cette musique, ces textes. Je n'ai que 6 ans, je sors des rondes enfantines et des disques de Sheila. J'ai eu un coup de cœur pour Johnny en le voyant chanter « Que je t'aime » à la télé. On m'achète son single, puis plus tard l'album. Et le style, bien sûr, est très différent. Mais j'ai appris très vite à l'aimer. Et aujourd'hui, il fait partie de mes préférés, bien sûr. Je suis bien d'accord avec vous, Fred et JP. Rivière est un incontournable dans la discographie de Johnny Hallyday. Ses sons du blues rock au rock psychédélique nous offrent un nouveau Johnny qui tranche avec la douceur relative du précédent, Rêve et amour. Ce morceau-titre ouvre l'album avec une note puissante, avec des guitares vibrantes et une rythmique envoûtante. Il incarne même carrément, pour ma part, carrément l'album. Carrément le ton de l'album. Gilles Thibault signe ici aussi un texte poétique qui évoque un peu une quête de liberté. Une vraie sauvagerie pop avant-gardiste. Voyage au pays des vivants, une composition signée Mickey Jones et Tommy Brown, emprunte une énergie brute. C'est un voyage introspectif porté par des riffs percutants. Le jour de ma naissance, Long Chris, qui en a écrit le texte, racontera l'histoire de ce scarabée mort que Johnny est supposé porter autour de son cou. Il s'agirait d'un petit bijou fantaisie trouvé dans une brocante, avec, curieusement, la date de naissance de Johnny au dos. On trouve ensuite Amen, adapté d'un morceau des Small Faces. Ce titre est un hymne vibrant. La voix de Johnny s'y mêle à un orgue saisissant, offrant une ambiance quasi mystique. Amen. Alors moi, quand je regarde maintenant l'album, là, j'arrive, tu reviens. Pour moi, c'est un morceau plus court, mais il est pas moins intense. Puis les guitares électriques ajoutent une touche un peu urgente, qui me plaît beaucoup dans ce titre-là. Quant à Réclamation, avec Peter Frampton à la guitare, ce titre mêle rock psychédélique et blues, créant une atmosphère captivante. Hey, appelez-moi chef de rayon, je suis pas d'accord. Ma mère m'a offert ce monde, et moi, je n'en veux pas. Réclamation est parue en version anglaise sur l'album As Safe As Yesterday Is, sous le titre Bang, en août 69. Non, moi, je tombe sur Regarde sur moi. Alors, c'est toujours porté par Peter Frampton et Marriott. Et ce morceau est une balade électrique pleine d'émotions. Regarde bien par la fenêtre, ne vois-tu pas une fille en blanc devant l'église qui m'attend ? Regarde pour moi est paru sur l'album que j'ai cité précédemment, sous le titre What You Will, en août 69. Le texte de Regarde pour moi est signé Gilles Thibault, et il est assez noir. Il évoque la mort d'une femme avec une faux entre les mains et quelqu'un qui creuse une tombe. Pas gay tout ça. On trouve ensuite sur cet album le titre Je te veux. C'est Long Chris et Mickey Jones qui signent ce titre, qui alterne entre douceur et intensité. Je te veux, aux accents plutôt érotiques, comme son titre l'indique, s'inspirerait d'après Long Chris de Lautréamont et des chants de Maldoror. On se demande si les textes aussi somptueux qu'hallucinants de Long Chris n'émanent pas plutôt d'une espèce d'état second provoqué par les petites pilules qui circulaient à l'époque dans le cercle des musiciens. Alors maintenant, moi, j'arrive sur un truc que j'adore énormément, qui a beaucoup de questions pour moi, c'est Les Anges de la Nuit. C'est un moment de répit, parce que Johnny explore des mélodies plus feutrées. Jacques Pogo part à la composition, et ce titre-là, pour moi, il est très, très étonnant. Le thème est hyper intéressant, et je suis surpris par la façon dont il est traité. Malheureux qui forme le nombre des anges de la nuit. On va retourner à une énergie pure et brute avec une guitare électrique en pleine effervescence avec le titre « Je n'ai besoin de personne ». Je n'ai besoin de personne, de personne dans ton été. Non, je n'ai besoin de personne, de personne dans ton été. Le texte lui-même est sulfureux et blasphématoire. Donc Chris fait dire à Johnny qu'il peut brûler des églises. Alors là, moi j'arrive à certainement un de mes préférés d'album, Je suis né dans la rue. C'est un véritable manifeste, Johnny. Ce morceau est à la fois introspectif et revendicatif. Il résume sa vie d'artiste, il résume sa vie d'homme, ses combats et son refus de se conformer. Je m'appelle Jean-Philippe Fouette, je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Un soir de juin en 1943, je suis né dans la rue par une nuit d'orage. Oh oui, je suis né dans la rue, oh oui, je suis né dans la rue, dans la rue. À sa sortie, l'album déroute une partie du public qui est habitué à des sonorités plus audibles. Pourtant, avec le temps, l'album Au bandeau ou Rivière ouvre ton lit est devenu un classique dans la carrière de Johnny Hallyday. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des 10 meilleurs albums de rock. Oui, tu as raison, JP. La tournée qui accompagne l'album, notamment au Palais des Sports en avril 69, est mémorable. Johnny y interprète plusieurs titres en avant-première, marquant le début d'une nouvelle ère dans sa carrière. Merci, merci les copains. Et d'ailleurs, cet album-là mérite eh bien, qu'on parle du Palais des Sports et de toute l'époque du Palais des Sports qui a été une époque à fond pour Johnny, hein, puisqu'on en fera un petit podcast spécifique sur le Palais des Sports et sur tout ce qui s'est passé autour du Palais des Sports 39, que ça a été le premier grand show de Johnny. Les gens n'hésitaient pas à l'appeler le show de l'enfuie. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés pour ce voyage au cœur de Rivière au Breton-Lit. Et merci à Fred de nous avoir accompagnés. À très bientôt pour un nouveau podcast. Merci. Merci à Fred et au prochain podcast avec toi. C'est toujours un vrai plaisir. Je te connais, tu es très...